إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours 31 dans l'explication du livre اقتضاء صراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم écrit par le Cheikh Ibn Taymiyyah رحمه الله شيخ الإسلام et on le lit avec les commentaires de Cheikh Saleh Al-Fawzan. Le ta'liq, c'est al-ta'liq al-qawim ala kitab iqtida al-sirat al-mustaqim. Donc, on est rendu à la page 230 de l'explication du volume 1. Donc, on va commencer, inshallah. Donc, si vous vous souvenez, on était au dernier cours dans l'explication du hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ce que je crains pour vous, c'est pas la pauvreté. Ce que je crains pour vous, au contraire, c'est que cette dunya soit ouverte complètement à vous, puis que, yani, elle soit pour vous une cause de perdition, hein, et que vous faisiez la course pour l'obtenir, hein, et qu'elle vous amène à votre perte, comme elle a amené ceux qui vous ont précédé à leur perte, et ainsi de suite. Donc, on a lu l'explication de Cheikh Al-Fawzan de ce hadith, et là, Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, comme à son habitude, il ramène toujours les différentes narrations qui sont reliés à un hadith. Donc il ne va pas ramener seulement une version du hadith, mais il va ramener toutes les versions du hadith. Pourquoi ? Pour ramener des détails qui parfois dans une narration n'ont pas été mentionnés. Donc parfois certains détails ont été clarifiés ou ajoutés dans d'autres narrations du même hadith, ce qui fait qu'on peut avoir encore par la suite une meilleure compréhension du hadith en rajoutant toutes les versions ensemble. Donc le cheikh il dit, le cheikh l'islam il dit, وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عُقْبَةِ بْنُ عَامِرٍ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها وفي رواية ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم قال عقبة فكان آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. أي نعم. Donc ça c'est le hadith en question. Et dans cette version du hadith, il dit donc خرج يوما فصلى على أهل أحد وكان في آخر حياته صلى الله عليه وسلم ودع الأحياء وودع الأموات فخرج إلى شهداء أحد ليسلم عليهم ويودعهم وقوله فصلى عليهم يعني دعا لهم يعني دعا لهم وإني فرط لكم يعني الفرط في اللغة هو السابق إلى الماء ليسقي لقومه والرسول فرطنا أي سابقنا إلى الحوض يوم القيامة هذا هو المعنى donc الشيخ il mentionne donc ce hadith qui est rapporté selon Uqba ibn Amir رضي الله عنه et il dit ça c'était à la fin de sa vie à la fin de la vie du prophète صلى الله عليه وسلم donc Uqba ibn Amir il dit que le prophète صلى الله عليه وسلم est sorti un jour et il a prié donc il a fait un dua pour les gens de Uhud c'est-à-dire les gens qui étaient morts à Uhud. Hein? Et on sait qu'il y a des sahabas qui sont morts dans la bataille d'Uhud, donc parfois ils sortaient pour faire des doigts pour eux. Puis ensuite ils se tournaient vers le mimbar. Ils se tournaient vers le mimbar, puis il a fait un discours aux gens. Et parmi ce qu'il leur a dit, il leur a dit « Je suis faratun lakum ». Ça veut dire « Je suis celui qui vient pour vous abreuver du bassin au jour de la résurrection. » Parce qu'on sait que chaque prophète, au jour de la résurrection, il a un haoud. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on sait que sa umma va venir au jour de la résurrection pour boire du breuvage qui est justement dans ce bassin-là. Et c'est un bassin duquel les gens vont venir boire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit en disant qu'il est très très grand. Hein, il a mentionné que sa longueur et sa largeur, je pense que c'est la distance d'un mois. Hein, Monsieur Ratachar. Hein, et il a dit que le nombre de ses contenants, de ses vers, c'est comme le nombre des étoiles dans le ciel. Et il a dit que son breuvage, il est plus blanc que le lait et plus sucré que le miel, hein, qu'il est meilleur que le, qu'il sent meilleur que le misc. Et il a décrit qu'il a dit parmi les choses qu'il a mentionnées à ce sujet-là, il a dit celui qui en boit une gorgée, eh bien, il n'aura plus jamais soif. Donc ça c'est le breuvage qui a été préparé pour les croyants au jour de la résurrection. Ça c'est après que les gens se soient tenus pendant des années et des années debout en attendant le jugement dernier, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné que c'est un jour qui dure 50 000 ans. Hein? Donc il dit ana faratun lakum, c'est-à-dire je suis celui qui va vous abreuver et qui vient le premier pour vous abreuver au jour de la résurrection, et je suis pour vous un témoin. Et il dit par Allah, c'est comme si je vois mon bassin maintenant, c'est comme si je le voyais maintenant. Et il dit on m'a donné les clés des trésors de la terre, on m'a remis les clés des trésors de la terre ou les clés de la terre. Et il dit, et je suis par Allah, c'est-à-dire il dit par Allah, je ne crains pas pour vous que vous faisiez du shirk après moi. Par contre, je crains pour vous que vous vous compétitionnez les uns les autres dans la dunya. Hein? Et il dit dans une autre narration, ce que je crains pour vous, c'est que vous vous disputiez ou que vous compétitionnez les uns les autres dans la dunya, puis que ça vous amène à vous tuer les uns les autres. Et à cause de ça, que vous allez périr à cause de ça, comme ceux qui étaient là avant vous ont péri. Et Uqba a dit, et ça c'est la dernière fois que j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur le mimbar. Donc c'est-à-dire, c'était avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, très peu de temps avant sa mort, et c'était la dernière fois qu'il a vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur le mimbar. Donc ça c'est la narration qui est rapportée par l'imam muslim. Donc Cheikh Al-Fawzan il explique. Il dit قوله خرج يوما فصلى على اهل احد هذا كان في اخر حياته صلى الله عليه وسلم ووضع الاحياء ووضع الاموات وخرج الى شهداء احد ليسلم عليهم ويودعهم وقوله فصلى عليهم يعني دعا لهم ويحتمل لانهم شهداء والشهداء لا يصلى عليهم ويحتمل انه صلى عليهم الجنازه فتكون هذه القضيه عين خاصة بهم قضية عين خاصة بهم ثم إنه أقبل إلى المنبر يعني صعد المنبر صلى الله عليه وسلم وهذا توضيع للأحياء فقال إني فرط لكم والفرط في اللغة هو السابق إلى الماء ليسقي لقومه والرسول فرطنا أي سابقنا إلى الحوض يوم القيامة وهذا فيه إثبات الحوض للنبي صلى الله عليه وسلم فإن الله أعطاه الحوض أعطاه الكوثر وترد هذه الأمة على هذا الحوض كما جاء في الحديث وسيسقيهم الرسول صلى الله عليه وسلم بيده ويشربون منه ومن شرب منه شربة واحدة فإنه لا يظمأ بعدها أبدا ولكن يرد عنه أناس يعرفهم الرسول صلى الله عليه وسلم يذادون ويردون لأنهم أحدثوا بعده ما أحدثوا من الردة أو البدعة فيمنعون من ورود الحوض عليه صلى الله عليه وسلم فمعنى قوله إني فرط لكم على الحوض أي سابقكم ومقدمكم على الحوض Donc le Cheikh il explique que Cheikh Al-Fawzan dit que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم est sorti un jour pour prier pour les gens de Uhud. Donc ça c'était vers la fin de sa vie et il faisait ses adieux aux vivants et il faisait ses adieux aux morts. Donc il est sorti vers les martyrs de Uhud et il est allé pour donc prier pour eux, invoquer, faire des doigts pour eux et pour faire leur faire ses adieux. Alors il a prié sur eux, il a fait des doigts pour eux et il dit que c'est possible que il dit c'est dans, ça peut être pris dans le sens que il a fait des doigts pour eux. Dans le sens qu'il a fait des doigts pour eux parce que ce sont des martyrs et les martyrs, on ne fait pas de prière de janaza sur les martyrs. Hein? Alors, ils ont un verdict particulier, les martyrs, c'est-à-dire ceux qui meurent dans le djihad, hein, qui meurent dans la lutte, dans le sentier d'Allah, eh bien, on fait pas de prière de janaza sur eux. Donc ça, c'est dans le sens de l'invocation, de faire des doigts pour eux. Sinon, si on le prend dans le sens qu'il a prié sur eux la janaza, ça voudrait dire dans ce cas-là que c'est quelque chose de particulier, hein, que c'est pas quelque chose qui est quelque chose de général qui est fait pour n'importe qui ou pour tout le monde. Mais ce serait une exception. Il dit ثم إنه أقبل على المنبر. Ensuite, il s'est tourné vers le minbar, c'est-à-dire qu'il est monté sur le minbar et ça c'était pour faire les adieux maintenant aux vivants. Et il leur a dit, je suis Al-Farat pour vous. Et Al-Farat c'est quoi dans la langue arabe? C'est celui qui précède son peuple, c'est-à-dire qui est en avant de son peuple et qui les abreuve, hein, qui leur donne à boire. Et donc, il dit, Ana Faratun lakum, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est un Farat pour nous, dans le sens qu'il nous précède vers le bassin au jour de la résurrection, là où il va abreuver sa Ummah. Et il y a dans ça l'affirmation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a un bassin, effectivement, un Haud, et Allah lui a donné ce Haud, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Coran, « Inna a'tainaka al-kawthar » hein? On t'a donné le kawthar. Et donc, le cheikh il dit que la umma du prophète sallallahu alayhi wa sallam va aller au jour de la résurrection se présenter comme pour boire de ce bassin là et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam va les abreuver de sa main. Donc il va leur donner le breuvage de sa main. C'est lui qui va les servir. Yani, peut-être un par un, Allahu alam, les détails je ne sais pas, mais qu'est-ce qui est mentionné c'est qu'il va les abreuver de sa main. Et il a dit, celui qui en boit une seule fois, eh bien, il n'aura plus jamais soif. Celui qui en boit une fois, il n'aura plus jamais soif après. Il dit, mais il y a des gens qui vont être repoussés de ce bassin. Et que le messager d'Allah va reconnaître. et donc il va les empêcher de pouvoir boire de ce bassin, et ils vont être repoussés, hein, ils vont être repoussés du bassin, et on va leur dire parce que il va parce que ils ont inventé des choses après toi, hein, ils ont inventé des choses ou fait des choses pas correctes après toi, comme par exemple les gens qui sont tombés dans l'apostasie, qui ont quitté la foi, ou qui ont ramené des innovations, des bid'ah, hein, donc ceux-là vont être interdits d'approcher le bassin du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi et donc la signification, quand Allah, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit je suis pour vous un farat, hein, au bassin, c'est-à-dire je vais vous abreuver, et c'est moi qui va être le premier au bassin qui va abreuver les autres. Wa qawluhu wa ana shahidun alaykum ay ana shahidun alaykum bil bala, كما قال عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال تعالى فكيف إذا جئنا من كل آية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فالرسل يشهدون على أممهم بالبلاغ وإقامة الحجة وأنه لم يبق لهم معذرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يشهد على أمته، يشهد لهم بالخيرية والعدالة ويزكيهم، وهذه الأمة تشهد للرسول صلى الله عليه وسلم السابقين بأنهم بلغوا أقوامهم. قال تعالى لتكونوا شهداء على الناس، والرسول صلى الله عليه وسلم يشهد لهذه الأمة بالخيرية والعدالة ويزكيهم في هذه الشهادة. Donc le cheikh il dit je suis pour vous, il dit la parole du prophète sallam qui dit je suis pour vous un témoin, c'est-à-dire un témoin dans la transmission de la révélation. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 143, c'est ainsi que nous avons fait de vous une nation de l'équilibre, du juste milieu, pour que vous puissiez être témoins contre les hommes, et pour que le messager soit un témoin contre vous. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, dans un autre verset aussi, le verset 41 dans surat An-Nisa, et yani, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. Hein? Donc, on va voir la traduction de ce verset-là. C'est le verset 143. 143 dans Surat al-Baqara. Bien sûr, 143 ou 140, oui, c'est ça, 143 dans Surat al-Baqara. J'étais dans Surat al-Imran. Ok, donc c'est « N'as-tu pas vu ceux qui sortiront de leur demeure, et il y en avait des milliers par crainte de la mort. » Puis Allah leur a dit, ah non, ça c'est 243, donc c'est 143. Et là, c'est ça. Et c'est ainsi que nous avons fait de vous une communauté du juste milieu pour que vous soyez témoins aux gens, hein, comme le messager sera témoin à vous. Et nous n'avions établi la Qibla que, ok, et c'était officiellement difficile, c'était un changement difficile. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. C'est pas dans, ça c'est le verset 41 dans Surat An-Nisa. Décidément, je suis fatigué aujourd'hui. Comment seront-ils quand nous ferons venir de chaque communauté un témoin, et que nous te ferons venir, c'est-à-dire toi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme témoin contre ces gens-ci. Donc le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sera un témoin contre sa umma, hein, ou pour sa umma. Et il dit donc فَالرَّسُولُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالرَّسُولُ يَشْهَدُونَ عَلَى أُمَمِهِمْ. Donc les messagers, ils témoignent pour leur nation qu'ils ont transmis le message pour eux, et ils établissent la preuve. Ils établissent la preuve contre eux pour qu'il ne reste plus d'excuses. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il témoigne contre sa umma et il témoigne à leur sujet qu'ils sont la meilleure umma et la plus juste, la plus équilibrée. Et il les purifie. Et donc cette umma, eh bien, تشهد للرسل السابقين. Cette umma, elle va témoigner même pour les messagers précédents et les prophètes précédents, et ils vont dire à leur sujet qu'ils ont transmis le message à leur peuple. Donc la umma du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle est témoin pour les autres peuples et les autres nations qui ont précédé, hein? Parce qu'on a le témoignage d'Allah dans le Coran, hein, à leur sujet. Et donc on est témoin pour eux aussi. Et il dit wa qala ta'ala li takunu shuhada'a 'ala an-nas wa ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam yashhadu li hadhihi al-umma bil khayriyyati wal 'adala wa yuzakkihim fi hadhihi ash-shahada. Donc pour que vous soyez des témoins sur les hommes. Et il dit le messager donc est témoin pour cette umma pour dire que c'est une umma du bien et que c'est la meilleure umma, la plus juste, et pour la purifier par ce témoignage-là. Wa qawluhu wa inni utitu mafatih khaza'in al-ard. Fa hadha huwa mahal ash-shahid. Utitu mafatih al-ard. Ya'ni sayastakhrijun al-ma'adin allati fi al-ard wa sayaghnamun khaza'in Kisra wa Qaisar وما فيها من الذهب والفضة وغير ذلك وغيرها من المخبوءات والأرزاق. وهنا يمكن يعني وهنا يمكن خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من هذه الخيرية أن يحصل بسببها ما حصل للأمم السابقة. وقوله وإني والله لا ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها. ليس هذا معناه أنه لا يقع في هذه الأمة شرك، بل إنه سيقع كما سيأتي في الأحاديث، ولكن بعد معناه أنه يخاف عليهم الدنيا وشدة ويخاف عليهم الدنيا أشد ما يخاف عليهم من الشرك. Donc le cheikh il dit, et je suis témoin pour vous. Donc on a expliqué cette partie. Ensuite il dit les messagers, donc ils vont être témoins contre leur nation. Et quand ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit, et pour que vous soyez des témoins pour les hommes, donc il en a expliqué ça. Ensuite il dit, et j'ai les clés des trésors de la terre. Et j'ai reçu, on m'a donné les clés des trésors de la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Le cheikh il dit, c'est ça le point qu'on a voulu mentionner dans ce hadith par rapport au sujet qu'on est en train d'expliquer, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu les clés des trésors de la terre, c'est-à-dire qu'il va faire sortir de la terre toutes les matières et les choses qui sont qui ont de la valeur, hein, qui ramènent de la richesse. Et donc on va jouir de ces richesses-là. Tous les trésors de la Perse, du roi de Perse et du roi de Rome, eh bien, que ce soit l'or ou l'argent, eh bien, ça va être des choses qui vont appartenir aux musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prédit ça et il avait mentionné ça. Donc, toutes les richesses allaient appartenir à cette umma. Et il dit, et c'est de ce point de vue-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu peur pour sa umma. Hein? A eu peur pour sa umma. Min hadil khayrat. Donc il a eu peur de ces bonnes choses qui vont arriver. Et à cause de ce qui est arrivé au peuple précédent par rapport à ces choses-là aussi. Donc il dit, wa qawluhu inni wallahi ma akhafu alaykum an tushriku ba'di. Il dit, par Allah, je n'ai pas peur que vous faisiez du shirk après moi, mais je crains pour vous que vous faisiez des compétitions ou des courses pour la dunya. Et le cheikh il dit, ça veut pas dire que le shirk va pas arriver dans cette umma après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisque yani, on sait qu'il y a d'autres hadiths qui clarifient qu'il y a du shirk qui va se produire dans cette umma. Mais la signification du hadith, ça veut dire, ce que je crains pour vous le plus, c'est yani, ce que je crains pour vous autant que je crains, ou plus que qu'est-ce que je crains pour vous comme shirk, il dit معنى ولكن معناه أنه يخاف عليهم الدنيا أشد مما يخاف عليهم من الشرك. Donc c'est-à-dire, je crains plus pour vous la dunya que ce que je crains par rapport au shirk. Et il dit فالشرك لم يقع في الصحابة ولا في القرون المفضلة لأنهم فهموا الإسلام وعرفوه ودخل الإيمان في قلوبهم وتمكن من قلوبهم فسيحميهم الله من الوقوع في الشرك فلا يفهم من هذا الحديث ما فهمه المخرفون من أن هذه الأمة لا يقع فيها شرك أبدا مع كثرة عباد القبور الآن وعباد الأضرحة الذين يطوفون بها صباح مساء بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون في هذه الأمة من يعبد الأوثان في آخر الزمان فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم خاف على الصحابة الدنيا أشد ما من خوف الشرك عليهم. Donc le cheikh il explique que le shirk il ne s'est pas produit parmi les sahaba et il ne s'est pas produit parmi les meilleures générations de l'islam, de la part des sahaba et de tabi'in et des gens qui ont suivi dans les trois premières générations. Pourquoi? Parce qu'ils ont connu l'islam réellement et l'islam est rentré dans leur cœur et donc elle a pris sa place dans leur cœur et Allah les protège de tomber dans ce genre de péché et de shirk. Et donc on ne doit pas comprendre le hadith en question yani, comme les falsificateurs ou les menteurs l'ont compris, comme les gens de Bid'ah et les gens qui défendent le shirk. Eux, ils prennent ce hadith-là qui mentionne qu'il n'y aura pas de shirk ou je ne crains pas le shirk pour vous après moi. Ils le prennent dans le sens qu'il n'y aura jamais de shirk qui va se produire par la suite parmi les musulmans. Et ils disent ça malgré la quantité d'adorateurs de tombes aujourd'hui et la quantité des gens qui adorent les tombeaux et qui font le tawaf autour jour et nuit. Et il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé que dans cette umma, après, il y allait avoir des gens qui adorent les idoles après lui. Et que ça allait se produire vers la fin des temps. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire? Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire dans la parole quand il a dit ce que je crains, je crains pour vous? Je ne crains pas pour vous le shirk après moi. Il dit, c'est-à-dire pour les sahaba. Khafa ala sahaba, ad-dunya ashaddu min khawf ash-shirk alayhim. Donc il craignait plus pour les sahaba la dunya que la crainte du shirk pour eux. Puisqu'ils étaient des gens fermes dans leur foi et clairs dans leur tawhid. Le cheikh il dit wa qawluhu وتقتلوا فتهلكوا اي نعم وتقتتلوا فتهلكوا سيسا فتقتتلوا فتهلكوا c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit que vous allez vous combattre les uns les autres, que vous allez vous entretuer et que à cause de ça vous allez périr. Il dit kama halaka man kana qablakum, comme ceux qui ont été avant vous ont péri. OK, et il dit wa hadha wajhun wajhul khawf alayhim min ad-dunya an yatlubuha thumma yahsuru baynahum niza'un wa khusumat fi umur ad-dunya thumma ya'ulu al-amru ila an yahmil ba'dhum as-silah ala ba'd. وللأسف هذا مشاهد في واقعنا فإن المسلم يقتل أخاه المسلم من أجل طمع دنيوي. الله المستعان. Donc le cheikh il dit, donc ils vont s'entretuer et ils vont périr à cause de ça, comme ceux qui étaient avant eux ou ceux qui étaient avant vous ont péri. Eh bien il dit ça c'est le point de vue de la peur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour la dunya, parce que c'est une des conséquences, yani, malheureusement, de la dunya lorsqu'elle s'ouvre sur les gens. Il dit les gens la recherchent, puis à cause de ça il y a des conflits qui se produisent entre eux et des disputes dans les questions de la dunya. Et donc qu'est-ce qui se passe, c'est que ça ramène les choses au point où certains parmi les musulmans prennent des armes contre d'autres musulmans à cause de ça. Et malheureusement, c'est quelque chose qu'on peut témoigner à notre époque. C'est quelque chose dont on peut témoigner à notre époque, car les musulmans tuent leurs frères musulmans, hein, pour des intérêts ou des choses de la vie d'ici-bas. Donc ça, c'est des choses qui sont vraiment graves, hein, malheureusement. ثم قال عقبة فكان آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. Donc il a dit, puis ensuite Uqba il a dit, puis c'est la dernière fois que j'ai vu le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم sur le minbar, c'est-à-dire que c'était la dernière fois qu'il a fait une khutba, et c'était khutbatul wada, c'est-à-dire le discours d'adieu, qui était une leçon et un testament pour la Ummah lorsqu'il est mort, ou un peu avant sa mort, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il mettait sa Ummah en garde, hein? Il mettait sa Ummah en garde, et ça fait partie de la perfection, de la sincérité et le conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour sa Ummah. Ensuite le cheikh il dit, شيخ الإسلام ابن تيمية المنسيان ينوت ناراسيون دي حديث انكور يلدي. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف نكون كما أمرنا الله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنافسون ثم تحاسدون ثم تدابرون ثم تباغضون أو غير ذلك, ثم تطلقون إلى مساكين المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض. Donc le cheikh il mentionne cette narration du hadith qui est rapporté selon l'imam Muslim, un hadith selon Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma. Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque cette dunya va vous être ouverte, c'est-à-dire que on va vous faire obtenir la dunya, qu'est-ce que vous désirez, facilement. C'est-à-dire qu'on va vous faire, on va vous donner les trésors de Faris et de Ar-Rum, les trésors de la Perse et les trésors de Rome. Ensuite, il dit, ayu qawmin antum. À ce moment-là, lorsqu'on va vous donner les trésors de Perse et de Rome, qu'est-ce que vous serez, yani, comment allez-vous être à ce moment-là? Et Abdurrahman ibn Auf a dit, nous serons tels que Allah nous aura ordonné d'être. Nous serons tels que Allah nous a ordonné d'être. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous allez vous disputer, c'est-à-dire vous allez vous faire la course les uns contre les autres, et vous allez avoir de la jalousie les uns contre les autres, et vous allez vous tournez le dos les uns des autres, et vous allez vous mettre en colère les uns contre les autres, ou d'autres choses semblables. Voilà ce qu'il leur a dit. Puis il dit ensuite, thumma tantaliquna ila masakin al-muhajirin fatajaluna ba'dhum ala riqabi ba'd. Puis ensuite vous allez voir les pauvres des muhajirin, puis vous allez mettre certains d'entre eux contre les autres. Donc le Cheikh Al-Fawzan il explique ce passage. Il dit ma'na hadha al-hadith kal hadith alladhi qablah حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سيفتح لهذه الأمة بلاد فارس وبلاد الروم وهنا وهما أمتان عظيمتان ودولتان كبيرتان في هذا الوقت فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن هاتين الدولتين ستسقطان في أيدي المسلمين وأن المسلمين سيملكون ما عندهم من الثورات. Donc il dit من الثورات. Donc le Cheikh il dit que la signification de ce hadith c'est la même que le hadith précédent, dans le sens que le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم a informé que que Allah allait donner la victoire à cette Ummah sur les Perses et sur les Romains. Donc les musulmans vont avoir la victoire sur les Perses et sur les Romains, et ce sont deux grandes nations, deux grandes nations de cette époque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé en disant que ces deux grands états vont chuter, hein, ils vont avoir des défaites, ils vont perdre devant les musulmans, et que les musulmans vont posséder tout ce qui leur appartient comme richesse. Et ensuite un sahabi il a demandé, il a dit ماذا تكونون حين ذلك, qu'est-ce que vous allez être à ce moment-là. Et il a dit إذا فتحت عليكم الدنيا ماذا تكونون حين ذلك. Et قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فتحت عليكم الدنيا واستوليتم على فارس والروم أي قوم أنتم. Voilà la question qu'il a posée. C'est-à-dire lorsque vous allez avoir la victoire dans les choses de la dunya et que vous allez conquérir la Perse et Rome, quels gens allez-vous être à ce moment-là? Quelle sorte de personne allez-vous être à ce moment-là? Et Abdurrahman ibn Auf a dit, qu'est-ce qu'on a mentionné tout à l'heure? Une parole qui est bonne, et il a dit قال يكون كما أمرنا الله نكون كما أمرنا الله, c'est-à-dire on va être comme Allah nous a ordonné d'être. وفي قوله هذا دليل على قوة إيمانه صلى الله عليه وسلم, et dans le fait qu'il dit ça il y a pour nous un signe de sa grande foi, comment il était un croyant fort puisqu'il était convaincu de ça. Et il dit, il dit que وَأَنَّ الثَّرْوَةَ وَالْمَالَ لَا يَغْتَرُ أَوْ لَا يُغَيِّرُ أَوْ لَا يُغَيِّرَانَ مَوْقِفَ الْمُؤْمِنِ وَهَذَا مِنْ بَابِ حُسْنِ الظَّنِّ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ ذَلِكَ لَمَّا وَجَدَ فِي قَلْبِهِ مِنْ قُوَّةِ الْيَقِينِ. وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من أثر الصحابة من وعبد الرحمن بن عوف من أثر أي من أثر الصحابة رضي الله عنهم. ومع هذا لم تطغه لم تطغه ثروته ولم تنقص من فضله وعبادته لأنه عرف قدر الدنيا وأخذها بكسب مباح ثم ولم يغتر بها وإنما أخذها لمقاصد حسنة فهو ينفق ماله بِسَخَاءٍ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ. Donc le Cheikh il explique que la réponse à la question qu'est-ce que vous allez être à ce moment-là, au moment où vous allez prendre la richesse de Perse et de Rome, il a dit, un des sahaba a dit, on va être comme yani, on va être comme Allah a voulu que nous soyons. Et donc ça c'est à cause de sa foi. Et il a dit ensuite, et ça c'est une bonne pensée qu'il avait d'Allah, c'est pour ça qu'il a dit ça, il pensait du bien d'Allah, hein, et ça c'est quelque chose qu'on doit toujours avoir, une bonne pensée à propos d'Allah, qu'il va nous faire miséricorde, qu'il va nous faire du bien. On doit toujours penser du bien et être positif et optimiste, hein, en pensant à Allah subhanahu wa ta'ala et comment il va nous traiter et nous juger. Et il dit, donc c'est ça, donc il a يعني une bonne pensée, il faut avoir une bonne pensée d'Allah. Et il a dit, قال ذلك لما وجد في قلبه من قوة اليقين وعبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف c'était un des sahaba les plus riches, hein, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi tous les sahaba, il était un des plus riches. Et malgré ça, sa richesse ne l'a pas poussé à transgresser la limite d'Allah, et ça ne l'a pas non plus fait diminuer en mérite et en adoration. Et il dit parce qu'il a su la vraie valeur de la dunya. Il a su la vraie valeur de la dunya, que la dunya elle n'a pas vraiment une grande valeur, que c'est une illusion. Et il a dit fa akhadhaha bi kasbin mubahin wa lam yaghdar biha wa innama akhadhaha li maqasid hasana. Donc il a pris cette dunya en la cherchant dans ses moyens halal, et il n'a pas été trompé par celle-ci, mais il l'a uniquement pris pour des bienfaits et pour des intérêts bénéfiques, hein, et des objectifs bénéfiques. Et donc ça c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et également il dit qu'il donnait de ses biens, il donnait de ses biens pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et Abdurrahman ibn Auf, il dépensait pour les bienfaits et pour le bien des musulmans. Donc il utilisait son argent dans le bien et il faisait des choses bonnes pour les musulmans avec. Il dit wa amma an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qala tunafisuna thumma tuhasaduna فتوقع من الأمة أنهم عندما يحصلون على هذه الثروات سيكتشفون فيها أو سيتنافسون فيها. كل يريد أن يحوزها دون الآخر. وهذا يولد النزاع بينهم، فيحصل التباغض والتحاسد على الدنيا، ويؤول الأمر إلى ما هو أشد، وهو تحصيل هذه الدنيا بالمغالبة والسيف والقتل، فدل على أن الانتفاح على أن الانفتاح انفتاح الدنيا وزهرتها على الناس إنما هو فتنة. بل قل من ينجو منها. Le cheikh il dit, en ce qui concerne le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à propos de la dunya qu'on allait se compétitionner les uns les autres dedans, et qu'on allait être jaloux les uns envers les autres dans la dunya. Donc il a dit quoi ensuite? Il a dit, et donc il s'attendait à ce que la umma, lorsque la umma allait avoir des richesses et des biens, qu'ils allaient se disputer et cette richesse et se faire la compétition, la course les uns les autres pour obtenir cette dunya. Mais يعني كل يريد أن يحوز, c'est ça, chacun veut avoir la part de l'autre. Et donc ça ramène des conflits entre eux, et ça ramène de la haine les uns envers les autres, et de la jalousie les uns envers les autres. Et ensuite, la conclusion de ça, c'est que يعني les gens essaient de prendre les biens des autres par l'épée, ou en tuant le propriétaire, ou la personne qui détient ces biens-là, et donc ça, ça montre, et c'est un signe que l'ouverture de la dunya chez les gens et les parures de cette dunya, eh bien ça, c'est des choses qui ramènent la fitna. En fait, que c'est une source de fitna. Il dit, et il y a très peu de gens qui réussissent à se sauver de ce genre de fitna, malheureusement. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ففي هذا الخوف من انفتاح الدنيا على الناس وفي هذا الخوف من انفتاح الدنيا على الناس وفيه أن قلة ذات اليد آمن على العبد في دينه. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر بذلك ينهاهم عن التنافس في الدنيا والتكالب في الآخر والتكالب عليها وقوله فينطلقون إلى مساكين المهاجرين فتحملون بعضهم فتحملون بعضهم على رقاب بعض يعني تجعلون بعضكم أمراء على بعض. Donc il dit, le cheikh, il a mentionné le verset 34, non plutôt 44 dans sourate Al-An'am. Et on va lire la traduction. Puis, lorsqu'ils eurent oublié ce qu'on leur avait rappelé, nous leur ouvrîmes, hein, on leur a ouvert les portes donnant sur toutes les choses, c'est-à-dire l'abondance. On leur a donné l'abondance. Et lorsqu'ils eurent exulté, ils se sont réjouis en raison de ce qu'on leur avait donné, ou ce qui leur a été donné, nous les saisîmes soudain et les voilà désespérés. Donc ça, ça fait partie des exemples que le cheikh a mentionné, des épreuves de cette dunya. Il dit que dans la dunya, il y a des épreuves, et il dit qu'il y a cette ouverture vers la dunya chez les gens. Regardez par exemple, juste pour mentionner l'exemple du pétrole, hein, qui a été découvert en Arabie Saoudite et dans d'autres pays arabes également. Ça fait partie de ce que le cheikh mentionne maintenant, les fitan, la fitna, comment Allah il met la umma à l'épreuve avec les richesses, comme le pétrole, comme l'or, comme le gaz et toutes sortes de richesses naturelles comme ça. Et donc les gens, quand ils ont cette ouverture là eh bien ça devient une épreuve pour les gens. Ils commencent à se disputer et à se faire la course les uns les autres dans la dunya. Et yani, vous pouvez même aller en Arabie Saoudite et demander aux vieux, hein, aux personnes âgées qui sont là-bas, et demander leur comment c'était quand ils étaient jeunes et comment ils vivaient et comment la société était. Et yani, souvent j'ai entendu des exemples comme ça de la part du cheikh Al-Fawzan et de la part du cheikh yani, Mohammed ibn Salih Al-Uthaymin et d'autres ulama qui parlaient de l'époque ancienne, à l'époque quand ils étaient jeunes, comment c'était la société, comment les gens vivaient. Yani, les gens, yani, ils avaient peu de moyens, ils vivaient des vies simples. Ils n'avaient pas beaucoup de moyens comme c'est le cas aujourd'hui. Une fois qu'il y a eu la découverte du pétrole, il y a eu beaucoup d'épreuves et de difficultés pour les hommes. Et donc ça, c'est l'exemple de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que lorsque vous allez avoir la dunya, eh bien vous allez vous faire la compétition les uns contre les autres. Et ça montre la véracité de la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet-là. Donc ça, c'est un exemple aussi, le pétrole et tout autre chose. Après, le cheikh il dit donc يعني وفيه أن قلة ذات اليد آمن على العبد في دينه. Donc quand tu as moins de moyens et que tu as peu de richesses dans ta main, eh bien ça, c'est quelque chose qui peut t'amener, disons, plus de sécurité dans ta religion. Plus de sécurité dans ta religion. Et il dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque il a donné l'information à ce sujet-là, et il leur a... le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné l'information à ce sujet de la fitna de la dunya. Akhbara bidhalika yanhahum an at-tanafus fi ad-dunya. Donc il a mentionné ça pour leur interdire de se faire la compétition dans la dunya et de se compétitionner, de faire la course les uns les autres dans les affaires de la dunya. Et il a dit فَتَنْتَلِقُونَ إِلَى مَسَاكِنِ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى مَسَاكِنِ الْمُهَاجِرِينَ. Donc vous allez partir vers les pauvres d'entre les muhajirines et vous allez porter les âmes les uns contre les coups des autres, c'est-à-dire vous allez vous entretuer. Ça c'est les exemples de la fitna. Et on voit la jalousie de la part des gens lorsque certains ont de l'argent ou du pétrole, des pays ont du pétrole, d'autres pays n'ont pas de pétrole, ben on constate que ces pays-là qui n'ont pas de pétrole, ils sont jaloux des pays qui ont du pétrole, et les pays qui ont pas de pétrole, donc ils sont jaloux, ou bien ceux qui ont du pétrole, ils partagent pas, hein. Donc ça devient comme un genre de d'épreuve, yani. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc il dit, et donc vous allez partir vers les pauvres des muhajirines, et vous allez prendre les armes les uns contre les coups des autres, c'est-à-dire vous allez prendre le pouvoir les uns sur les autres et être des responsables ou des chefs les uns sur les autres. Il dit le cheikh wa fi sahihayn, c'est-à-dire dans al-Bukhari et Muslim, il dit wa fi sahihayn an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله فقال إن مما أخاف عليكم بعدي ما يفتح من زهرة الدنيا وزينتها فقال رجل أو يأتي الخير بالشر يا رسول الله قال فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل ما شأنك تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك فقال رأينا أنه ينزل عليه فأفاق يسمح عنه الرهضة فقال أين هذا السائل فكأنه حمده فقال إنه لا يأتي الخير بالشر وفي رواية فقال أين السائل آنفا أو خير هو أو خير هو ثلاثا إن الخير لا يأتي إلا بالخير وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخدر فإنها أكلت حتى امتدت خاصرتها استقبلت عين الشمس فتثلطت وبالت ثم رتعت وإن هذا المال خضر حلو ونعم صاحب المسلم هو لمن أعطى منه أعطي منه مما أعطى لمن أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع ويكون عليه shahidan yawm al-qiyamah. Donc ça c'est une longue narration du même hadith qu'on a lu, dans laquelle il y a des parties qui sont pas mentionnées dans les hadiths précédents. Et donc on va lire ensemble ce hadith. Et il dit le cheikh que Abu Sa'id al-Khudri il a rapporté dans Al-Bukhari et Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est assis sur le minbar et nous sommes assis autour de lui. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est assis là et les sahabas se sont assis autour de lui sur le minbar lorsqu'il était sur le minbar et se sont assis autour. Et il dit ce que je crains pour vous c'est que les parures de cette dunya vous soient ouvertes, hein, et ainsi que les beautés et les belles choses de la dunya, donc elles vous soient ouvertes complètement. Alors il y a un homme qui a posé la question au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il était confus parce que si on dit par exemple que on va avoir accès à toutes les bonnes choses de la dunya et toutes les belles choses de la dunya, donc l'homme lui il n'a pas compris où était le mal là-dedans, tu vois. Alors qu'est-ce qu'il a demandé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Il lui a demandé: ô messager d'Allah, est-ce que le bien peut ramener du mal? Est-ce que du bien il peut y avoir du mal qui en découle? Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il s'est tu, il n'a rien dit à ce moment-là. Et quelqu'un a dit à ce moment-là: qu'as-tu à t'adresser au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il ne t'a pas adressé la parole? Pourquoi tu lui parles alors qu'il ne t'a pas parlé? Alors on a vu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là avait reçu la révélation, hein, il avait commencé à recevoir la révélation et il avait de la transpiration sur son front et donc les gens savaient qu'il était en train de recevoir la révélation. Alors, aussitôt qu'il a reçu la révélation, par la suite, il a demandé où était le questionneur. C'est-à-dire, où était la personne qui m'a posé la question. C'est-à-dire, est-ce que le bien peut ramener quelque chose de mal. Alors, quand il a dit où est le questionneur, c'est comme s'il voulait lui faire des éloges. C'est comme s'il voulait le remercier d'avoir posé cette question-là. Hein? Et il a posé la, il a demandé trois fois où est-ce qu'il était, hein? Parce qu'il a dit où est le questionneur. Et il a dit, ensuite il a dit le bien ne ramène pas de mal. Innahu la yatil khayru bishar. Le bien ne ramène pas de mal ou il va pas venir avec du mal. Et dans une autre narration, ça dit et où est le questionneur? Est-ce que c'est vraiment un bien? Hein? Est-ce que c'est vraiment un bien quand tu dis que est-ce que le bien ramène du mal? Est-ce que c'est vraiment un bien ou bien tu penses que c'est du bien mais que c'est pas vraiment un bien? Parce que ça arrive souvent des fois les gens ils considèrent quelque chose comme étant bien alors que c'est un mal. Puis ils considèrent parfois quelque chose de mal alors que c'est un bien. Et Allah subhanahu wa ta'ala il le dit dans le Coran: وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Est-ce que c'est comme ça ou c'est le contraire? Oui. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Et Allah sait et vous ne savez pas. Donc c'est possible que vous aimiez quelque chose alors que c'est mauvais pour vous, et c'est possible que vous détestiez quelque chose alors que c'est bon pour vous. Et Allah sait et vous ne savez pas. Et donc il dit, est-ce que c'est vraiment un bien? Et il a dit ça trois fois. Et il a dit ensuite, sache que le bien ne ramène pas, excepté du bien. Hein? Le bien ne ramène que du bien. Et il dit, et parmi les choses que le printemps fait pousser, c'est-à-dire parmi les verdures que le printemps fait pousser, il y en a que si tu le manges, hein, eh bien, ça peut y en faire te rendre malade. Ça peut te rendre malade et ça peut faire même rendre les animaux, hein, qui mangent ces verdures-là malades. hein, et les et faire éclater leur leur ventre ou yani, des choses comme ça. Khasirata, al-khasir c'est la, les hanches ou les cuisses. Voilà qu'il est le hayawan, la tadri. Donc les cuisses c'est les khasir, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire ici dans cette partie-là, mais on va voir l'explication du Cheikh Al-Fawzan ici. Il dit istaqbalat ayn ash-shams. Donc elle reçoit elle se met face au soleil, puis yani à cause qu'elle a trop mangé, elle rumine, puis après yani elle va uriner, puis yani c'est comme en tout cas pour dire que ça a pas toujours des conséquences qui sont bonnes. Donc cette richesse que on peut avoir, c'est comme une verdure sucrée, hein. Et donc quelqu'un va le prendre, c'est doux, c'est vert, mais c'est pas nécessairement bon. Il dit wa ni'ma sahibul muslim huwa liman a'ta minhu al-miskin. Donc le comme il est un bon musulman, un bon compagnon musulman, celui qui en prend de cette dunya et qui en donne aux pauvres et à l'orphelin et aux voyageurs. Comme le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, il dit mais celui qui en prend de façon injuste, c'est-à-dire qui prend de la richesse de la dunya de façon injuste, c'est comme celui qui mange mais qui n'a jamais été rassasié. Et il sera témoin au jour de la résurrection. Il y aura des témoins contre lui au jour de la résurrection. Cheikh Al-Fawzan, il explique ça, il dit قَوْلُهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَجَلَسَ حَوْلَهُ أَصْحَابُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ على عادتهم في تلقي الحديث والتوجيه منه صلى الله عليه وسلم فعند ذلك أخبر أنه يخاف على أمته الدنيا ما يفتح عليهم من زهرتها وهذا مما يدل على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم حيث أخبر أنه ستفتح على هذه الأمة الدنيا وهذا أمر غيبي في وقته وقد حصل ذلك مما حدث من الفتوحات والأموال التي حصل عليها المسلمون فالرسول صلى الله عليه وسلم خشي على أمته من هذا المال والخيرات التي تأتيهم من تأتيهم من أن تفتنهم وهذا من كمال شفقته عليه الصلاة والسلام على أمته حيث يحذرها مما سيقع في المستقبل لكي يكون المسلمون على حذر من شرها ويضع هذه الخيرات في مواضعها وقل من يفعل ذلك وقل من إذا أخذ المال وضعه في مواضعه الشرعية وإلا فمن وضعه في مواضعه الشرعية فإنه يسلم ويغنم ولكن المصيبة من أخذ هذا المال وعصى الله فتكون النعمة في حقه نقمة. Donc le cheikh il dit que c'était l'habitude des sahabas de s'asseoir autour du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il s'assoyait pour leur parler sur le minbar. Et il dit qu'il craignait pour eux la dunya, il craignait pour eux que soit ouverte pour eux la parure de la dunya. Et ça c'est la preuve de la véracité de la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il était un vrai prophète, puisque ce qu'il nous avait averti est arrivé aujourd'hui. Hein, on voit que la dunya nous a été ouverte. Hein, la dunya nous a été ouverte, et ça c'était une chose qui était cachée à son époque, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'est quelque chose qui est arrivé aujourd'hui, hein, avec qu'est-ce qui est arrivé avec les conquêtes, hein, lorsque les pays musulmans ont commencé à conquérir les autres pays. et a ramassé de plus en plus de richesses. Et les musulmans ont donc obtenu toutes ces richesses. Et c'est ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait craint pour sa umma. Toute cette richesse et ce bien qui vient les tenter et les éprouver dans leur religion. Et ça, c'est yani, à cause de son affection, hein, et la tendresse qu'il a pour cette umma, du fait qu'il craint pour eux et il les met en garde contre des choses qui vont arriver dans l'avenir, qui ne se sont même pas encore produites, pour que les musulmans puissent être sur leur garde du mal qui peut se produire dans ces choses-là et qu'ils yani, placent donc le qu'est-ce qu'ils ont pour l'utiliser dans le bien et dans les choses qui ont rapport avec le bien. Et il y a peu de gens qui font ça. Il y a peu de gens qui font ça, malheureusement. Il y a peu de gens qui prennent le bien et qui prennent les biens ou l'argent ou les richesses et qui les mettent dans les endroits légaux où cet argent-là est supposé d'être ou est supposé aller. Excepté, mais sinon, celui qui le met à sa place, selon sa destination dans la charia, ni comment on doit utiliser l'argent, eh bien celui-là, s'il fait ça, il va être épargné de la fitna et il va en profiter de cet argent. Mais le malheur, c'est que lorsque quelqu'un prend de l'argent pour désobéir à Allah avec, alors dans ce cas-là, cette grâce devient pour lui un châtiment et une punition. Après, le cheikh il dit: ولهذا لما سأل السائل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أو يأتي الخير بالشر يا رسول الله لأن زهرة الدنيا ظاهرها الخير والنعمة فهل يأتي هذا بالشر؟ فهذا من باب سؤال التعجب. أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فظن الصحابة أنه أعرض عنه لأنه لم يرضى سؤاله، في حين أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعرض عنه لانشغاله بنزول الوحي بالجواب، لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Donc le cheikh il explique, il dit que cette personne qui a posé la question au prophète صلى الله عليه وسلم, elle est venue puis lui a demandé: est-ce que le bien peut ramener du mal au messager d'Allah? Et il a dit: parce que les parures de cette vie d'ici-bas, en apparence, hein, elles ramènent du bien. En apparence, c'est du bien et c'est des grâces. Mais est-ce que ça peut ramener du mal? Est-ce que ces parures, ça peut ramener du mal? Le cheikh il dit: ça, c'est une question dans le sens de l'étonnement. Quand la personne a posé cette question, elle dit: est-ce que le bien peut ramener du mal au messager d'Allah? Il s'étonne. Hein? Alors, qu'est-ce qu'il répond le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam? En fait, le cheikh il explique que ce sahabi, hein, ou bien plutôt, il a posé la question. Le sahabi a posé la question. Maintenant, les autres sahaba, eux, ils pensent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a refusé de répondre à la question et qu'il s'est détourné de répondre parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas agréé cette question ou n'a pas apprécié cette question. Eux, c'est ce qu'ils pensent. Mais en réalité, c'était pas le cas. C'est pas parce que s'il n'a pas répondu, c'était pas parce qu'il n'a pas aimé la question. S'il n'a pas répondu, c'est parce qu'il était occupé à recevoir la révélation à ce moment-là. Il n'avait même pas la réponse. C'est Allah qui lui a révélé la réponse. Et pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne parle pas selon la passion, ce n'est qu'une révélation qui lui est révélée. D'accord? Et ça, en même temps, c'est comme certains ulama ont mentionné à propos des gens qui se précipitent à faire des fatawas sans science, et qui répondent à des questions sur la religion à des gens alors qu'ils n'ont pas de connaissance de la charia et ils font des fatwas dans la religion sans connaissance. Les ulama ont dit: regardez, même le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quand il n'a pas de connaissance sur quelque chose, il se tait et il ne répond pas, Alors imaginez, yani, subhanallah, quelqu'un d'entre nous qui n'a pas de science et qu'on lui pose une question dans la religion et qu'il ne se tait pas, il ne s'abstient pas de répondre alors qu'il est ignorant. Donc ça c'est très dangereux et c'est très grave parce que ça veut dire que tu imputes à Allah et à la religion des choses qui n'en font pas partie. Et tu mens sur Allah et sur son messager. Et ça, c'est très, très dangereux et très, très grave. Hein? Juste à penser à l'exemple de l'imam Malik, rahimahullah, quand des gens sont venus lui poser des questions et ils venaient de très loin, de l'Andalousie. Hein? Alors, ils ont posé à l'imam Malik une quarantaine de questions. Et à chaque fois, l'imam Malik répondait, je ne sais pas. Hein? La adri. Et yani, subhanallah, sur 40 questions, je pense qu'il a répondu juste à quelques-unes, 4 ou quelques-unes comme ça. Donc, les gens étaient déçus, hein, et ils ont dit à l'imam Malik, qu'allons-nous dire aux gens lorsqu'on va retourner? Hein, on est venu voir l'imam Malik et yani, qu'est-ce qu'on va leur dire si on ne leur ramène pas les questions de la part de l'imam Malik, on ne leur ramène pas des réponses? Alors, l'imam Malik a dit, hein, d'après ce qui a été mentionné à ce sujet-là, il a dit, dites-leur que l'imam Malik ne sait pas. Yani, subhanallah. Donc, il n'y a pas de honte, ou de gêne, ou de blâme, de ne pas savoir la réponse à quelque chose. Mais dans certains pays, ou dans certaines cultures, c'est une honte et un blâme de ne pas savoir une réponse dans la religion. Donc, les gens à qui on pose des questions, qui sont des chouyours, ou qui sont des marabouts, ou qui sont des gens qui sont considérés comme des hommes de science dans cette société-là, quand ils sont questionnés sur la religion et qu'ils ne connaissent pas la réponse, eh bien, ils vont quand même répondre pour pas perdre la face devant les gens, parce qu'ils ont peur d'avoir honte. Ou disons, ils ont peur d'avoir honte de pas avoir la réponse, hein, et d'être devant les gens puis de dire, oh mais qu'est-ce que les gens vont dire si je sais pas, hein? Les gens vont dire que je suis un ignorant, ou les gens vont dire que j'ai pas de science, ou les gens vont dire que yani, je suis pas un vrai savant parce que j'ai pas de ilm. Au contraire, les imams d'Ahl al-Sunnah, ils ont dit, quand quelqu'un il répond et il dit la adri, ça c'est la moitié de la science. Nisful ilm, hein? C'est la moitié de la science. Et donc, c'est pour dire quoi? Pour dire que, en fait, quand tu dis que tu sais pas, eh bien, c'est pour reconnaître que tu n'as pas la connaissance de cette question-là, mais ça ne veut pas dire que tu connais rien du tout, mais ça veut dire que tu connais pas cette chose-là. Et de savoir se taire lorsqu'on ne sait pas, ça, ça fait partie de la science. Hein? Ça fait partie de la science. Et donc c'est ça. Il n'y a pas de gêne de dire qu'on ne sait pas. Et il n'y a aucun blâme non plus de dire qu'on ne sait pas. Si on ne sait pas. Et en même temps aussi, donc souvent on retrouve ça chez des gens qui ils veulent juste attirer les gens ou faire plaisir aux gens. Donc ils leur répondent qu'ils sachent ou qu'ils ne sachent pas. Hein? Et ça, c'est la preuve de leur ignorance et de leur égard. C'est très, très dangereux de faire ça, et de parler, de faire des fatwas. Mais malheureusement, des fois, qu'est-ce qu'on constate ou qu'est-ce qu'on remarque? C'est des jeunes qui commencent à pratiquer la religion, ou parfois, ils viennent de se convertir à l'islam. Et ils ont une réponse à tout. Yani, chaque fois qu'on leur pose une question, ils se permettent de répondre et de parler. Même parfois, ils vont être en présence de personnes plus savantes que eux, et les personnes qui sont là parmi eux, qui sont plus savantes que eux, eux, ils disent rien, puis eux, ils se permettent de parler sur des choses qu'ils ne maîtrisent pas et qu'ils connaissent même pas. Donc ça, c'est un très mauvais signe. Et même que les ulama, ils parlaient, même les salafs, ils disaient que si tu vois un jeune qui parle en présence des vieux, c'est-à-dire des savants, des personnes plus savantes que lui et qui sont plus âgées que lui, et il se permet de parler en leur présence, sache qu'il va aller vers sa perte, ce jeune-là. Hein? Parce qu'il y a le respect aussi. en présence des savants, en personne des grands savants, tu n'as pas le droit de parler de certains sujets. Hein? C'est-à-dire qu'il y a des questions et des sujets dans la religion de l'islam, ça c'est uniquement pour les grands savants. Pas n'importe quel savant ou pas n'importe quel talib ilm a le droit de répondre sur ces sujets-là. Comme les sujets qui ont rapport avec le sang, qui ont rapport avec les questions qui ont rapport avec l'honneur, le sang et le sort de la Ummah, et qu'est-ce qui se passe sur le plan international, et des questions qui ont rapport avec la paix ou la guerre ou le djihad ou des choses comme ça. Ça, c'est seulement les imams, les grands ulama qui ont le droit de s'aventurer à parler de ces sujets-là et de répondre et de donner des fatawas sur ça. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, malheureusement, c'est des jeunes qui sont excités et émotifs et ils répondent aux jeunes, et le pire, ils répondent et ils contredisent qu'est-ce que les grands savants et les plus âgés, les plus compétents, eux, ont dit dans ces questions-là. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils veulent suivre leurs passions et leurs désirs et leurs émotions. Donc après, tu vas trouver certains jeunes parmi les hizbiyins qui font partie des groupes de hizbiya ou de bid'a ou des groupes de khawarij. Puis tu leur dis, mon frère, pourquoi tu dis ces choses-là, par exemple, par rapport à qu'est-ce qui se passe dans tel pays ou dans tel pays? Tu dis que c'est le djihad et que ça, que ça et que ça, alors que les ulama, les grands ulama ont parlé et ils ont dit que il n'y a pas de djihad là-bas, ou que ce n'est pas du djihad fisabilillah, et qu'il y a de la fitna, et qu'il ne faut pas y aller, et qu'il ne faut pas rentrer dans ces choses-là, et que ce n'est pas correct. Alors eux, ils te répondent, ils te disent, oui, mais un tel, et un tel, et un tel, et un tel, et un tel, et un tel, ils ont dit, oui, c'est correct, on peut y aller, ou oui, c'est bon, il y a un djihad aussi, et ça. Tu leur dis, subhanallah, ça c'est les grands savants, les plus qualifiés, les plus expérimentés, les plus âgés, les plus enracinés dans la science, qui ont parlé avec connaissance et expérience, et tu vois que leur fatwa est en accord avec qu'est-ce que tous les salafs ont dit au sujet de ces questions-là. Et eux, ils savent comment analyser les situations sur le plan économique, politique, hein, sans parler du plan religieux. Hein. Donc, toi, après, tu laisses tous ces savants de côté et tu t'en vas vers des jeunes, hein, qui n'ont pas atteint ni le niveau qu'ils ont en science, ni la sagesse, ni la sagesse, ni la compréhension, ni la patience, hein, et ni la piété que ces grands savants-là ont, et tu te permets de t'aventurer dans ces questions-là avec la parole de ces jeunes surexcités. Donc, ça, c'est là que tu vois que c'est des gens qui suivent leur passion. Hein? Et après, ils vont accuser les ulama d'être des savants comme ils disent, al-hayd wa nifas. Ils disent, c'est des savants qui s'occupent juste du sang des femmes. Ils veulent pas savoir ou parler du sang des martyrs. Ils veulent juste parler du sang des femmes. C'est-à-dire les menstruations et les règles qui ont rapport avec ces choses-là. Parce que les ulama, ils donnent des cours de fiqh. Et ils enseignent dans les chapitres de la purification, qu'est-ce qui a rapport avec le sang des femmes, pour qu'elles puissent connaître comment se purifier. Hein. Eux, ils se moquent des savants ou essaient de les dénigrer en disant ça. Alors qu'eux-mêmes, quand ils ont des questions par rapport à leur propre épouse, qui ont leur période de menstruation, ils ne savent même pas quoi faire, ni comment répondre à leurs propres épouses dans ces questions-là. Hein? Quand est-ce qu'elle se purifie, quand est-ce qu'elle se purifie pas, est-ce qu'elle prie ou est-ce qu'elle prie pas, est-ce qu'elle jeûne ou est-ce qu'elle jeûne pas, est-ce qu'elle fait ci, est-ce qu'elle fait ça, hein? Mais ils osent se moquer des savants comme ça, hein, en disant ça. Il y en a d'autres qui disent que c'est des savants des palais et qu'ils sont soumis au pouvoir politique et au gouvernement et aux dirigeants injustes, et donc à cause de ça ils veulent pas dire la vérité. Donc ils traitent les savants d'hypocrites, ils traitent les savants d'être des gens qui ne disent pas la vérité, qui ne jugent pas selon le Coran et la Sunna, mais qui jugent selon les intérêts des gens qui sont au pouvoir. Pourquoi? Parce que pour eux, pour être sincère, pour être vrai, pour être un vrai savant, il faut dire ce que la masse veut entendre. Si tu dis pas au peuple et à la population aveugle et ignorante ce qu'elle veut entendre au sujet de chaque question, ça veut dire que c'est pas des savants sincères et honnêtes. Alors que parfois la masse, comme on le sait, la plupart du temps, elle ne fait que suivre sa passion. Elle ne fait que suivre les discours enjolivés et émotifs, hein. Et yani, elle ne suit pas ce qui est raisonnable et ce qui est basé sur les preuves. Allah al-musta'an. Donc le cheikh, il a dit quoi? Il a dit, ensuite il explique que l'homme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Aïna sa'il. Hein? Donc il a dit, où est le questionneur? فعلم الصحابة رضي الله عنهم أنه يوحى إليه لأنه كان إذا نزل عليه الوحي يتصبب عرقا من شدة ما يلقى من ثقل الوحي فلما سري عنه صلى الله عليه وسلم ومسح العرق قال أين السائل وكأنه صلى الله عليه وسلم من شدة آثار الوحي نسي السائل فسأل عنه ثم كانت الإجابة وقد حمده على سؤاله لأنه سؤال فيه نفع فقال إنه لا يأتي الخير بالشر لأن الأصل في المال أنه خير ولكن قد يأتي بالشر حين يستعمله الإنسان في غير موضعه أما إذا استعمله فيما يجب فإنه لا يكون شرا فالمال ليس شرا مطلقا وليس خيرا مطلقا وإنما على حسب استعمال صاحبه له وضرب مثلا بالدواب التي ترتع في الربيع والزهر والعشب فمنها ما تحسن الراعي و تصريف ما تأكله وهي التي تأكل من الخضر والنبات ثم تترك الرعي وتستقبل عين الشمس من أجل الحرارة حتى ينهضم ما في بطنها وتبول ثم تقوم وترعى فهذا المثل يقال لمن يستعمل الدنيا بحكمة ويأخذها برفق فمثله هذه الدابة التي لما شبعت يعني بركت واستقبلت عين الشمس حتى تصيبها حرارة الشمس فتنهضم ما في بطنها. Donc il dit le cheikh que les sahaba, donc ils ont vu que le messager d'Allah était en train de sallallahu alayhi wa sallam était en train de recevoir la révélation. Et quand il recevait la révélation, son visage devenait plein de sueur, hein, à cause de la lourdeur de la révélation, comment la révélation était lourde sur lui. Et donc, une fois que la révélation avait été terminée, comme avait cessé de descendre, eh bien, il essuyait la sueur qu'il avait sur son front, sur son visage, et il a demandé la question, où est le questionneur? Et donc, c'est comme si, à cause de l'effet de la révélation sur lui, il avait oublié le questionneur, hein. Et donc, il a demandé, où est-il? Alors, yani, il a répondu. Et il a fait l'éloge du questionneur par rapport à sa question, parce que c'était une question qui était bénéfique. Et il a dit, effectivement, le bien ne peut ramener que du bien. Le bien ne ramène pas de mal. Ça, c'est la base. Que la richesse et l'argent, à la base, c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose de bénéfique et de bien. Donc, il n'y a pas de mal à la base dans l'argent. Sauf que, si tu l'utilises, ça peut ramener du mal si tu l'utilises dans le mal. Si tu la mets pas, tu l'utilises pas comme il faut. Et si tu l'utilises pas dans ce dans quoi tu dois l'utiliser, comme si tu l'utilises pour quelque chose qui est pas correct. Et bien dans ce cas-là, ça peut ramener du mal. Donc l'argent en elle-même, elle est pas mal en elle-même de façon absolue. Et elle est pas bien, elle est pas bonne de façon absolue. Ça dépend ce que tu fais avec, hein. Donc c'est un outil, comme n'importe quel autre fille, comme un couteau par exemple. Tu peux utiliser un couteau pour faire la nourriture, couper des choses et l'utiliser pour le bien, comme tu peux aussi l'utiliser pour faire de l'injustice puis blesser les gens ou les tuer, et ça c'est du mal. Donc est-ce que tu vas dire que le couteau il est mauvais en lui-même? Pas nécessairement. Et la même chose pour l'argent. L'argent tu peux l'utiliser pour faire du bien, comme construire des mosquées, construire des écoles, t'occuper de ta famille, donner aux pauvres, donner aux gens qui ont besoin. Et comme tu peux l'utiliser aussi pour faire du mal, hein, faire du désordre sur la terre, faire des péchés, dépenser dans l'injustice, dans le mal, faire du riba, hein, des choses comme ça. Donc, ça dépend de ce que tu vas faire avec. Et donc, il a donné l'exemple de l'animal. L'animal qui va pâtre, hein, paître, qui va paître ou pâtre, paître, et il va dans le champ, il mange des herbes, il mange des choses, et puis il va ruminer, il va s'asseoir, il va ruminer ça, puis il s'assoit au soleil, il se repose. Hein? Donc ça c'est bon pour lui. Hein? Il va prendre le temps de bien digérer, puis ça va être un bien pour lui. Et donc ça c'est l'exemple de la personne qui Yani utilise la dunya avec sagesse et avec douceur, il apprend, il l'utilise dans le bien. C'est comme cet animal qui a mangé, une fois qu'elle est bien remplie, elle s'allonge, elle rumine et elle prend du soleil et yani elle digère bien. Fal maqsoud anna talabat ad-dunya shubbihu bid-dawab allati tar'a ومنها دابة تأكل حتى تموت من التخمة ومنها التي تأكل قصدا فتحفظ نفسها فكذلك بنو آدم منهم من يأخذ من الدنيا بقدر ويستعملها بحكمة فهذا تكون خيرا له ولا يأتي هذا الخير بالشر وإنما يأتي بالخير ومنهم الذي يأتيه الشر من الخير لأنه أساس الاستعمال. Donc le cheikh il dit quoi? Il dit que qu'est-ce qu'on veut dire? C'est que parmi les gens qui recherchent la dunya, Allah les a fait ressembler à des bêtes, à des animaux, à des bestiaux dans ce hadith là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a comparés à des animaux qui vont pour pâtre ou paître. Et donc, c'est comme l'animal, il y en a parmi les animaux, ils mangent jusqu'à ce qu'ils meurent, hein, parce qu'ils ont trop mangé. Hein. Et il y en a d'autres qui mangent de façon raisonnable et mesurée, et donc ils se préservent. Et donc, parmi les êtres humains, c'est la même chose. Il y en a qui prennent de la dunya selon ce qu'ils en ont besoin, avec sagesse. Et c'est un bien pour eux. Et il y en a d'autres qui prennent de la dunya et c'est quelque chose qui est mauvais pour eux parce qu'ils ne l'utilisent pas bien. Ils ne l'utilisent pas bien. Donc, le bien ne ramène pas du mal. Mais ça dépend de l'utilisation. Il dit, وَقَوْلُهُ إِنَّ هَذَا الْمَالِ خَدِرٌ حُلْوٌ وَنِعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ هُوَ لِمَنْ أَعْطَى مِنْهُ الْمِسْكِينَ وَالْيَتِيمَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالْمَقْصُودَ أَنَّ الَّذِي يَأْخُذُهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ أي من كسب حرام فإن هذا يصاب بالجشع وطلب المال بنهم ولا يستريح أبدا بل يكون ماله عليه وبالا يوم القيامة كما جاء في الحديث حتى يسأل عن أربع منها يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه ففي هذا الحديث التوجيه النبوي الكريم إلى المنهج السليم لطلب المال والتصرف فيه والتحذير من المنهج الغير السليم أو غير السليم في ذلك. Donc il a dit que le prophète صلى الله عليه وسلم, quand il dit que cette dunya c'est une verdure qui est douce, donc il dit que le musulman qui donne de cette dunya aux pauvres, aux orphelins et aux voyageurs, c'est pour dire que le but c'est quoi dans ça, c'est de dire que celui qui prend de l'argent et qu'il utilise et qu'il prend de son droit des sources qui sont halal, donc ça c'est bien, mais ceux qui le prennent d'une source qui est haram, bighayri haqqihi, celui-là il va être frappé par le fait qu'il va jamais être satisfait, jamais il va être il va jamais se reposer, et son argent va être une source de malheur pour lui, de mal pour lui au jour de la résurrection. Comme c'est mentionné dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a quatre choses sur lesquelles l'être humain va être questionné au jour de la résurrection, et la première chose qu'il a mentionné c'est sa richesse, d'où est-ce qu'il l'a gagnée et dans quoi l'a-t-il dépensée, d'où est-ce qu'il l'a gagnée et dans quoi il l'a dépensé. Donc ça c'est dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui explique donc la voie et la méthodologie qui est bonne pour chercher l'argent et comment l'utiliser, et la mise en garde du fait de ne pas l'utiliser comme il faut et de la dépenser de façon incorrecte. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui inshallah, et bienvenue là, on continuera la semaine prochaine, inshallah. Donc, je pensais que j'allais pas être capable d'aller jusqu'au bout aujourd'hui, j'étais fatigué. Mais bon, alhamdulillah, ça. Finalement, j'ai eu un gain d'énergie pendant le cours, alhamdulillah. طيب بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وفيكم بركه ان شاء الله.